Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Direction Sonnen pour la découverte d'un musée original qui a ouvert début juin. C'est le musée de la batterie. C'est un lieu unique en France. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone David. Bonjour David. Bonjour Yves, merci de nous accorder cette petite interview. Avec plaisir, parce que en plus, l'originalité de ce lieu, musée de la batterie, j'ai dit unique en France, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ailleurs dans le monde. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'équivalence, effectivement, dans le monde. Alors, on ne dit pas ça pour se la raconter, comme on dit, mais on a cherché, on a trouvé un établissement à Boston, mais ils font quand même du business avec les instruments, donc ils restaurent des batteries vintage et d'autres instruments. En tout cas, d'endroit qui est vraiment dédié uniquement à la batterie, on n'a pas trouvé d'équivalence nulle part, pour l'instant. Pour l'instant. David, qui a le rôle de conservateur du musée aussi, hein, vous êtes deux dans cette aventure, sachant que le musée est à l'initiative aussi de Jean-François Vassa, c'est ça ? C'est ça, qui est le collectionneur de toutes ces pièces. Combien de pièces on peut voir au musée ? Il y en a 120 à peu près, à savoir que sur ce musée, il y a un étage qui n'est pas accessible au public avec à peu près le même nombre qui reste à restaurer. Il doit y avoir 300 pièces en tout, mais 120 sont exposées en tout cas actuellement. Donc Jean-François Vassa, qui est le collectionneur, donc qui a recueilli toutes ses batteries au cours de sa vie, je suppose que lui-même est batteur ? Il est batteur, tout à fait. Et vous-même ? Je suis batteur aussi. Jean-François a des groupes sur Strasbourg. Moi, je joue entre Metz et Strasbourg, mais je suis basé surtout sur Nancy. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce musée ? Parce que être collectionneur, c'est une chose, mais de là à passer le cap et d'ouvrir un musée, comment c'est venu l'idée ? Alors, j'ai rencontré Jean-François l'automne dernier. La rencontre est vraiment toute fraîche, je veux dire. Et lui, travaillait déjà sur cette idée depuis 3 ans. Enfin, il avait fait l'acquisition de cet endroit déjà depuis 3 ans. Donc, il fallait qu'il stocke déjà cette collection impressionnante. Enfin, moi, j'avais jamais vu autant de batteries au même endroit. Première fois que j'ai poussé la porte du musée. Et puis, il a eu cette idée parce que, ben, justement, ça n'existait pas et qu'il est vraiment passionné par l'instrument, l'histoire de l'instrument, les techniques mises en œuvre pour concevoir ces instruments. Alors, on peut parler justement de cet instrument qu'on peut découvrir vraiment sous toutes ses formes. Et ce musée, il ne va pas s'adresser forcément qu'aux batteurs, il va s'adresser à tous les curieux, mais aussi les passionnés de musique. C'est ça. Donc, on insiste bien sur le fait que sûrement pas, en tout cas, un musée réservé aux batteurs, aux musiciens, mais qui est vraiment ouvert à tout le monde. Et on essaye de faire un petit parcours pédagogique, en tout cas, puisque l'exposition va être amenée à évoluer. On ne va pas faire quelque chose de statique, qui va prendre la poussière. Donc voilà. Et cette progression, justement, dans cette visite que vous guidez, hein, de fait, vous la présentez comment ? Elle est plus basée sur l'histoire, sur leur origine géographique, leur époque, leur style ? Pour l'instant, on est parti dans une visite un petit peu chronologique. Donc les débuts de la batterie, c'est tel qu'on la connaît maintenant, c'est années 20, années 30. Vraiment des pièces, des premières batteries, on va dire modernes. C'est un instrument moderne, mais qui est fait avec des éléments qui sont anciens, quoi, les cymbales, la date de l'antique. Et il y a beaucoup à dire, en tout cas, sur l'histoire de cet instrument. Donc, on commence vraiment au tout début. Et ensuite, on débouche sur une salle où c'est classé par pays, où on a vraiment des grandes marques, des marques un peu moins connues. Le musée, il a ouvert au mois de juin, début juin, c'est ça ? C'est ça, le 3 juin. Et quel accueil a eu le public à la découverte du musée ? Les premières remarques que vous avez pu avoir ? Les premières remarques, c'était déjà « waouh », un petit peu comme ce que j'ai fait la première fois que je suis rentré dans l'endroit. Ouais. Et non, il y avait à peu près, je pense, 150 personnes. On a eu l'immense plaisir d'accueillir le duo de Franck Aguillon et Charlie Davo. Il venait juste de sortir un album quelques mois auparavant. Donc c'est un duo de batteurs assez incroyable. Ils arrivent à raconter des histoires avec leurs instruments. C'était vraiment super de commencer l'inauguration avec deux pointures comme ça de la batterie. Les retours ont été, très très très bons. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis. Donc c'est plutôt engageant tout ça. Et alors il faudra peut-être poser la question à Jean-François Vassa, mais qu'est-ce qui lui a donné envie, vous le savez probablement, d'avoir cette collection ? Je ne pourrais pas répondre à sa place. C'est vraiment un passionné de l'instrument. Donc, il arpente Internet, il a aussi des contacts très sympas. On a par exemple des batteries de Christophe Deschamps qui est un grand batteur français qui accompagne Obispo, les vieilles canailles, Cabrel. On a des pièces qui ont des histoires aussi. C'est pas que des batteries posées comme ça. Il y a des batteries qui ont accompagné des grands artistes, entre autres. Quoi. Et qui ont aussi des matières plutôt originales aussi dans leur conception. Il existe aujourd'hui des batteries électroniques, mais dans le côté traditionnel, il y a des choses qui peuvent surprendre. Ah oui, il y a des choses qui peuvent surprendre. exemple, tout à fait. Je pense qu'il y a à peu près tous les matériaux utilisés pour concevoir une batterie, parce que c'est pas que du bois. Il y a aussi des distalites, ce qu'on appelle des distalites, c'est des batteries fabriquées en plexiglas. Il y a des batteries en fibre, il y a des batteries en métal, il y a des batteries en inox. Donc il y a vraiment plein de matériaux et plein de façons de faire aussi qu'on peut découvrir au musée. Et pour celles et ceux qui aimeraient s'essayer à la batterie, il y a moyen sur place ? Alors, il y a possibilité sur place. On a une petite salle où on a installé 4 batteries électroniques. On va proposer sur rendez-vous des initiations de 15-20 minutes. Je dis souvent, l'idée, c'est de ressortir en sachant jouer Billie Jean. Voilà. Mais par contre, on ne va pas donner de cours là, dans l'immédiat, puisqu'il y a quand même une école de musique qui est juste à côté du musée. Pour celles et ceux qui seraient intéressés pour prendre des cours, on les renverra vers Dieter Bandt, donc, qui est le directeur de cette école de musique. Et pour le batteur que vous êtes, vous, ce lien avec l'instrument, il vient d'où et qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Je ne sais pas, moi, j'ai appris beaucoup de choses, en fait, depuis l'automne dernier, sur justement la batterie, le matériel, des choses auxquelles je ne m'étais pas forcément intéressé, puisque moi, je m'intéresse plus à la musique, à la pratique, en fait. Mais disons que tout l'aspect matériel ne m'avait pas jamais autant intéressé que maintenant, en fait. J'ai découvert en quelques mois des choses que je ne connaissais même pas, quoi. Après 25 ans de bête. Donc, eh bien, on peut inviter les auditeurs à venir à votre rencontre et suivre cette visite guidée au sein du musée de la batterie. 120 instruments déjà visibles et même le double peut-être à découvrir prochainement. Il y a des évolutions, des projets aussi pour le musée dans les mois, voire années à venir. Oui, on a en projet là, d'aménager une pièce qui est pour l'instant qui nous sert d'atelier, mais qui est juste à côté. En auditorium, on va inviter des personnes à faire des conférences, des batteurs à faire des démonstrations, à venir parler de leur instrument. Ils voient les choses. On espère que ce sera fait pour l'automne qui arrive. On va s'y atteler cet été. Et vous êtes ouvert donc tout l'été. On peut venir quand au musée de la batterie ? Pour l'instant, les horaires évoluent chaque semaine. Il y a aussi des activités à côté, des concerts, des spectacles. Bon. Jean-François et moi, on n'est pas toujours là et on n'a pas encore trouvé quelqu'un. Il nous faut une troisième personne, évidemment. Assurer les visites en cas d'absence. Donc j'invite celles et ceux qui voudraient visiter le musée à consulter la page Facebook. C'est l'endroit où ils peuvent trouver vraiment l'actualité. Le site est encore en cours de construction. Sur la page Facebook, et toutes les semaines, on poste les horaires de la semaine. À terme, il est censé être ouvert quand même en permanence. Donc on vous suit, Musée de la Batterie, sur Facebook, et on n'hésite pas à vous contacter. Le Musée de la Batterie, c'est 8 rue de la République à Senones. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Olivier.